بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours 29 dans l'explication du livre عقيدة السلف وأصحاب الحديث de l'imam الصابوني avec le sharh de Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى. Donc on est arrivé à l'endroit dans le livre où l'imam الصابوني il dit, donc Cheikh Rabi' il dit, وقال المؤلف رحمه الله الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطاله بعقولهم عقولهم وآراء إبطال يعني في فراغ عقولهم وآرائهم فيه يعملون يعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه وعن على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وروى يونس بن عبد الصمد ابن معقل عن أبيه أن جعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك فاتق الله ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضدح اليوم بالجعد بن درهم فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. Donc on va traduire ce passage ici, le Cheikh, Cheikh Rabi Hafidhahullah, il dit que l'auteur, Cheikh l'imam al-Sabuni, il mentionne donc dans ce passage, et on est toujours dans le passage au sujet de l'istiwa, istiwa Allah ala arshi, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône. Il dit, et la différence entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a, c'est que lorsqu'ils entendent une information ou une narration au sujet des attributs du Seigneur, hein, les gens de Bid'a, ils la rejettent directement à la base. Ils ne l'acceptent pas. Ou bien, ils déforment son sens apparent. Hein? Ils nient son sens apparent et ils le déforment avec des interprétations qui ont pour but de rejeter la base de la narration elle-même. Et ils essaient de déformer ou de détruire ou d'annuler la signification de cet attribut-là avec leurs raisons et avec leurs opinions. Et il dit, et ils savent en réalité que ce que Allah, ou plutôt que ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, alors, c'est ce qu'il a dit. C'est ça ce qui est la vérité, parce que c'est la personne qui a le plus de connaissances à propos d'Allah. Donc il connaît mieux Allah que quiconque. Et ce qu'il a, walam yaqul fihi, c'est-à-dire il n'a dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala que la vérité, que ce qui est véridique, et ce, que ce qui est une révélation. Puisque Allah Azza wa Jal a dit dans le verset 3 et 4 dans Surat al-Najm, ce qui signifie, et il ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Ensuite, il a cité une parole de l'imam des imams, un des ulama de la Ummah, l'imam al-Zuhri, radiyallahu anhu, parmi les imams des salaf. Il dit, et c'est Allah qui clarifie, et c'est le messager qui transmet. Et nous, de notre côté, nous devons nous soumettre. Ala Allah al-Bayan, wa ala Rasul al-Balagh, wa alayna al-Taslim. Ça, c'est la règle. Allah, il clarifie, le messager transmet, et nous, on se soumet. Et il a rapporté une narration qui est avec sa chaîne jusqu'à Wahb ibn Munabbih, un des imams parmi les salafs, parmi les tabi'in. Il dit que Ja'd ibn Dirham, la tête des égarés, parmi ceux qui ont inventé la bid'a des Jahmiyyah, c'était le cheikh de Jahm ibn Safwan, c'est-à-dire celui qui a enseigné la bid'a de la négation des attributs à Jahm ibn Safwan. Donc c'était lui le premier, l'origine de cette bid'a, parmi les gens qui se disent musulmans. Et il a enseigné ça à Jahm ibn Safwan. Mais à l'origine, c'est Ja'd ibn Dirham, c'est lui la tête, c'est lui la source. Donc Ja'd ibn Dirham, il a dit, il est venu voir Wahb ibn Munabbih. Il lui a posé les questions à propos des attributs d'Allah, Azza wa Jal. Alors, Wahb ibn Munabbih, il lui a dit, « Malheur à toi, ô Ja'd. » Et il a dit, « Je crois que tu seras parmi les gens dans la perdition. » Ô Ja'd, si Allah ne nous avait pas dit dans son livre qu'il a une main, et qu'il a des yeux, et qu'il a un visage, alors je ne l'aurais pas dit. Alors, préserve-toi d'Allah. Et il n'y a pas eu de temps, il n'y a pas eu une longue distance par la suite, il n'y a pas eu un grand temps qui a passé, puis finalement Ja'd a été exécuté, il a été tué et crucifié à cause de ses hérésies. Et c'est justement l'amir de Al-Basra à l'époque, Khalid ibn Abdullah Al-Qasri. Le jour de Eid, il a fait la khutbah comme c'est l'habitude pour les musulmans, après avoir fait la salat de Eid, il fait la khutbah. Et à la fin de sa khutbah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh vous les musulmans, allez chez vous faire vos sacrifices. Et que Allah bénéficie vos sacrifices. Il dit, en ce qui me concerne, il dit, aujourd'hui, je vais sacrifier Ja'd ibn Dirham. Mon sacrifice, c'est Ja'd ibn Dirham. Il dit, parce qu'il a dit, Allah n'a pas pris Ibrahim comme Khalil, comme bien-aimé. Et il n'a pas parlé à Moussa de façon claire. En voulant dire, il nie la tribu d'Allah. Il nie que Allah aime. Il nie que Allah parle. Et il nie les autres attributs d'Allah, Azza wa Jal. Alors il a dit, à cause de ça, je vais l'égorger aujourd'hui. Il va l'exécuter pour apostasie et pour hérésie. Et il a dit que Allah soit exalté de ce que Ja'd a dit. Et il est descendu du minbar et il l'a égorgé avec sa main. Ensuite, il a ordonné qu'il soit crucifié. Donc ça, c'est la peine de l'apostasie pour les hérétiques dans l'islam. Et c'est ça que l'imam Khalid ibn Abdullah al-Qasri a appliqué sur Ja'd ibn Dirham. Parce qu'à l'époque, les ulama, ils étaient plus proches de la sunna. Pas les ulama, mais c'est-à-dire les dirigeants de cette époque-là, ils étaient proches des ulama. Et les ulama et les musulmans en général, ils étaient plus proches de la sunna. Et donc, ils ne toléraient pas ce genre d'égarement, ce genre de bid'a. Aussitôt qu'ils voyaient des signes d'hérésie qui se propageaient, ils se précipitaient pour les enrayer directement, pour éviter justement que ces innovations se propagent parmi les musulmans. Cheikh Rabi' il dit, hafidhahullah, al-imam al-Sabuni, rahimahullah, yubayyinu huna al-farqa bayna ahl al-sunnati wa ahl al-bid'a. Fa ahl al-bid'ati, idha sami'u nassan, imma an yarudduhu علانية هكذا ويدفعوه، وإما أن يتحايلوا عليه فيتأولونه. أما أهل السنة فبعكس ذلك وبخلاف ذلك، فإنهم يقبلون هذا النص ويسلمون به ويعتقدون ما دل عليه بخلاف أهل البدع. فلا تأويل عند أهل السنة ولا رد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يؤمنون به ويسلمون به تسليما دون أي حرج. فهذا منهج أهل السنة والجماعة، ذاك مذهب أهل البدع وذاك مذهب أهل البدع والضلال. وبين كيف أن أهل السنة يقبلون هذه النصوص، فاحتج بالآية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني هم يعتقدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، كما أثنى عليه ربه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ضل صاحبكم، يعني الضلال ضد الهدى، فهو مهتد عليه الصلاة والسلام. وما غوى، الغي ضد الرشاد، وهو مهتد رشيد عليه الصلاة والسلام، وخلفاؤه مهتدون راشدون، ومن يتبعه فقد سدده وهديه إلى الرشاد. وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يسمعه، فنهته قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال: فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. يعني يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلهم، إذا غضب قال الباطل، حشاه عليه الصلاة والسلام، فهو لا ينطق عن الهوى ولا في حال الرضا ولا في حال الغضب عليه الصلاة والسلام، ما ينطق إلا بالحق وما ينطق عن الهوى. فالحديث يطابق الآية. دونك الإمام الصابوني، الشيخ ربيع إكسبليك دي الإمام الصابوني رحمه الله إكسبليك سي لا ديفيرونس انتر لي جان دو لا سنة اي لي جان دو لا بدعة. لي جان دو لا بدعة lorsqu'ils entendent un texte soit du Coran ou de la Sunna, eh bien ils vont soit le rejeter ouvertement de cette façon, et ils vont le rejeter. Ou bien, ils vont utiliser quelques ruses en essayant de déformer sa signification par des fausses interprétations. Tandis que les gens de la Sunna, contrairement à ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils acceptent les textes et ils se soumettent aux textes et ils croient ce qui est indiqué par ces textes. Donc, contrairement aux gens de la Bid'a. Donc, ils ne vont pas faire ce genre de fausse interprétation, parce que les gens d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils ne rejettent rien de ce qui vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, ils croient en tout ce qu'il a dit, et tout ce qui vient de lui, ils s'y soumettent sans aucune gêne. Et ça, c'est la méthodologie des gens d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et on voit que l'autre voie, c'est la voie des gens de la bid'a et de l'égarement. Et il a expliqué, l'imam al-Sabouni, rahimahullah, que les gens de la sunna, donc ils acceptent les textes, et il s'est basé comme preuve sur le verset dans Surat al-Najm, le verset 3 et 4. Il ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Donc, il croit que, il croit en le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et que ce qu'il dit, ce n'est pas des paroles qui sont inspirées par la passion. Il ne dit que la vérité, puisque c'est des paroles qui lui viennent d'Allah et qui lui sont inspirées par Allah. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cela en faisant ses éloges. Et il cite les premiers versets dans Sourate An-Najm. Et on va lire ces versets-là ensemble. Dans les premiers versets, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, par l'étoile et son déclin. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, votre compagnon ne s'est pas égaré et il n'a pas été induit en erreur, il n'a pas dévié. إِنْ هُوَ إِلَّا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, il ne parle pas sous l'effet de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Et donc, quand il dit « ma dalla sahibukum », c'est-à-dire « votre compagnon ne s'est pas égaré », en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et « al-dalal », c'est le contraire de « al-huda ». Donc, l'égarement, c'est le contraire de la guidance. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme qui a été guidé par Allah. « Wa ma rawa », il n'a pas été dévié non plus. Et « al-ray », en arabe, c'est « diddur rashad », la déviation, c'est le contraire de la droiture. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est guidé et il est droit. Il est sur la droiture. Et ses successeurs, ils sont eux aussi bien guidés et sur la droiture. On dit « al-khulafa al-rashidun al-mahdiyun ». Rashidun, ça veut dire qu'ils sont sur la droiture. Mahdiyun, ça veut dire qu'ils sont bien guidés. Et donc, quiconque le suit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il est sur la droiture et il a été guidé vers le droit chemin. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, il ne parle pas selon la passion. Et un exemple que le cheikh il a mentionné ici, c'était l'exemple de Abdullah ibn Amr ibn al-As qui écrivait les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'il entendait, il l'écrivait. Alors, les gens de Quraysh ont dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As, « Pourquoi t'écris tout? Qu'est-ce que tu entends du messager d'Allah? C'est un être humain. » Et des fois, il parle, il est en colère. Et des fois, il parle, il est content. Alors Abdullah ibn Amr, il s'est abstenu d'écrire par la suite, quand il a entendu ça. Et il a mentionné au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cette objection de la part de ces gens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a pointé avec son doigt vers sa bouche et il a dit, écris, en disant, ya Abd, il s'adressait à Abdullah ibn Amr, il lui a dit, écris parce que par celui qui tient mon âme en sa main, il n'y a rien qui sort de là excepté la vérité. C'est-à-dire, il n'y a rien qui sort de cette bouche excepté la vérité. Donc le cheikh il explique, il dit, c'est-à-dire, vous pensez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il pense qu'il est comme eux, que lorsqu'il est en colère, il dit des choses fausses, jamais de la vie. Il ne parle jamais sous l'effet de la passion, que ce soit lorsqu'il est content ou heureux ou lorsqu'il est en colère, il dit toujours la vérité. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne parle pas selon l'effet de la passion. Et donc le verset, le hadith est en accord avec ce que Allah a mentionné dans le verset. Ensuite, il explique la parole de l'imam al-Zuhri. Il dit, « قال l'imam al-Zuhri, imam al-A'imma wa ghayru, al-Zuhri, radiyallahu anhu, lahu manzilatun azima. » لأنه جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها وسنة أصحابه وجمعها لهم وحفظها وكل المحدثين يرجعون إلى هذا الإمام الذي تصدى لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظها ودونها رضي الله عنه وأخذوا منه أصول علم الحديث إمام جليل عظيم هذا الرجل رحمه الله سئل سؤالا نأخذ حديث كذا فقال من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم سئل سؤالا في الأحكام ليس في العقيدة فقال بهذا الكلام فكيف لو سئل سؤالا في العقيدة رضي الله عنه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. في العقيدة في العقيدة في العبادة في أي شيء سواء فهمناه سواء فهمنا النص أو لم أو ما فهمناه. قد يشكل النص على بعض الناس فعليه أن يسلم أن هذا حق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وأنه لا يقول إلا وأنه لا يقول على الله من عنده. وهو رحمه الله يشير إلى معنى الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. دونك الإمام الزهري رحمه الله سي الإمام دي زيمام اي دوتر également ont dit la même parole. Cheikh Rabi, il explique qui est l'imam al-Zuhri. Il dit, l'imam al-Zuhri, il a un degré élevé, très grand dans la religion. Il a réuni la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a mémorisé. Et il a également mémorisé la sunna de ses compagnons. Et il l'a rassemblé. Il l'a mémorisé. Il dit, tous les muhaddithin retournent à cet imam. Hein? Parce que c'est lui qui a défendu et mémorisé et mis par écrit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de lui qu'ils ont pris les fondements de la science du hadith. Donc c'est un grand imam parmi les imams des salafs. Donc cet homme, on lui a posé une question dans la religion. Hein? Est-ce qu'on prend tel hadith? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est d'Allah que vient le message. Hein, c'est d'Allah que vient l'explication. Et c'est au messager qu'incombe la transmission et à nous de se soumettre. Donc, il dit le cheikh, on lui a posé une question à propos des règles de la charia, des règles de l'adoration. Hein, c'était pas à propos de la aqida qu'il a dit cette parole. Imaginez donc, qu'est-ce qu'il aurait dit si on lui avait posé une question à propos de la aqida. Hein? Donc, c'est d'Allah que vient le message, et c'est au messager de transmettre, et c'est à nous de se soumettre. Dans la aqida, dans l'adoration, et dans n'importe quel autre domaine de la religion. Peu importe qu'on arrive à comprendre le texte ou qu'on ne le comprenne pas. Parce que parfois certains textes peuvent être difficiles à comprendre pour certaines personnes. Mais l'obligation dans ce cas-là, c'est de se soumettre. Et de savoir que c'est la vérité. Et de savoir que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon la passion. Hein, ce n'est que ce que Allah lui a révélé, qu'il a transmis. Et c'est quelque chose qui est indiqué également par le verset dans Surat An-Nisa, le verset 65. Non par ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par lui-même. Non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'ont pas pris comme juge. Dans toutes les divergences ou tous les conflits qu'ils ont entre eux, et qu'ils n'auront trouvé en eux-mêmes aucune gêne par rapport à ce que tu auras décidé, et qu'ils s'y soumettent de façon complète et entière. Et le cheikh il dit ensuite, « Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa rawa Yunus ibn Abd al-Samad ibn Ma'qil an abihi anna Ja'd ibn Dirham qadima ala Wahm ibn Munabbih يسأله عن صفات الله تعالى وهب ابن منبه من علماء التابعين أصله من أهل الكتاب وكان من خيار العلماء من خيار التابعين رضي الله عنه فسأله بعض الأسئلة المتعلقة بصفات الله فقال له وهب بعض المسألة يعني اختصر قليلا يعني قلل وخفف إني أظنك من الهالكين. إن بعض الناس يكثر الأسئلة هنا وهنا وهنا وهنا يأتي بالمشاكل ولو كان هؤلاء في ذلك العهد يمكن أن يقتل كثير أن يقتل كثير من هؤلاء السائلين أو أن يقتل كثير من هؤلاء السائلين. قال يا جعد لو لم يخبرنا لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك. يعني الله هو الذي قال هذا، ولو لم يقل هذا ولو لم يقل هذا الله ورسوله ما قلت بهذا، لأن هذا أمر غيبي لا مجال للعقول فيه أبدا. فمهما بلغ الإنسان من الذكاء وعظم عقله لا يمكن أن يدرك هذه الغيبيات، لأن هذه الغيبيات ليس لها طريق إلا الرسالات، لأن الرسل هم الذين يبلغون عن الله عز وجل أمور الغيب، من تفاصيل أمور الجنة والنار، من صفات الله ومن صفات الله. فهذه الأمور لا تدركها العقول، وما لها طريق إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين يبلغون عن ربهم. الله يوحي إليهم بهذه العقائد الغيبية، سواء تعلقت بصفات الله عز وجل أو تعلقت بأمور الجنة والنار والمستقبل أو الأخبار الماضية إلى آخره. فهذه ليس لها طريق إلا التلقي عن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، لا مجال للعقل فيها. فهو يقول له لولا أن الله أخبرنا بهذا ما قلنا به، فما قلنا إلا بعد أن قرأنا كتاب الله فوجدنا هذه النصوص الدالة على أن الله تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفات على الوجه اللائق به. فلله وجه وعين وسمع وبصر وقدرة وإرادة، كلها صفات تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فكيف تقيسه بالمخلوقات؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا قال أن له علما محيطا بكل شيء من الأزل إلى الأبد، أنت ماذا عندك؟ حاجة في نفسك لا تعرفها، حاجة في بيتك والله تجهلها وتنساها، أما الله فقد أحاط بكل شيء من الأزل إلى الأبد، فما من مثقال ذرة في هذا الكون ولا صغير ولا كبير إلا والله يعلمه سبحانه وتعالى. الجهمية يقولون لا نثبت ذلك، إذا أثبتنا ذلك يعني شبهناه بالخلق، لأن العلم عرض ولا يقوم إلا بالأجساد، والأجساد إذا آمنا بالعلم وآمنا بالقدرة أثبتنا مع الله آلهة وجعلنا هذه أعراضا، والأعراض تشبه أعراض المخلوقين إلى آخر السفاهات التي يقولونها. فنحن أهل السنة نستقبل هذه النصوص بالاحترام والتقدير، على أساس أنه لا مشابهة ولا مماثلة أبدا بين خالق هذا الكون وبين مخلوقاته سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن له سمعا وبصرا وقدرة وإرادة ويدا وعينا، نؤمن بها كيف؟ لا ندري الكيفية، ليس هناك مشابهة، لا مشابهة بين صفات الخالق والمخلوق أبدا. Donc ici le Cheikh il explique la parole de Wahm ibn Munabbih. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Ja'ad ibn Dirham lorsqu'il est venu lui poser des questions au sujet des attributs d'Allah? Et Wahm ibn Munabbih fait partie des ulama parmi les tabi'in. Et à la base, il fait partie des gens du livre parce qu'il s'était converti à l'islam. Et il est devenu parmi les grands ulama, parmi les meilleurs, parmi les tabi'in, radiyallahu anhu. Et il est venu donc, Ja'd ibn Dirham, cet égaré, est venu lui poser des questions au sujet des attributs d'Allah. Alors, Wahb ibn Munabbih, il lui a répondu. Il a résumé ce que Ja'd avait posé comme question. Et il lui a dit, c'est-à-dire il n'a pas mentionné tous les détails de sa question, il a juste dit qu'il avait venu poser des questions sur un sujet, sur quelques sujets. Ça ne sert à rien de mentionner les détails parce que c'est des questions d'égarement. Donc il résume. Et il dit, j'ai répondu que je crois que tu seras parmi les perdants, les gens de la perdition, ceux qui vont périr dans le châtiment. Il dit, il y a beaucoup de gens qui posent des questions qui viennent avec des problèmes. Et donc, il dit, si c'était à l'époque, peut-être que certains d'entre eux auraient été exécutés pour ces questions-là. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, il lui a dit, oh Ja'd, si Allah ne nous avait pas dit ça dans son livre, qu'il a des mains, qu'il a des yeux, qu'il a un visage, nous, on ne l'aurait pas dit aussi. C'est en voulant dire que c'est Allah lui-même qui nous a dit ça et qui nous a informé de ça. Et s'il ne l'avait pas dit, ainsi que son messager, eh bien, on ne l'aurait pas dit parce que ça fait partie du raïb. Et le raïb, il n'y a pas de place dans le raïb pour parler de ça avec sa raison. Parce que la raison n'est pas capable de cerner ou de comprendre le raïb. D'accord? Donc, c'est seulement par la voie de la révélation qu'on peut avoir des informations à propos de l'invisible. Peu importe ce qu'un être humain peut atteindre comme intelligence, ou comme raison, ou comme compréhension. Même si quelqu'un, là, son quotient intellectuel, là, c'est le plus haut quotient intellectuel au monde, il ne peut pas parler à propos de l'invisible, à propos de ce qui est parmi les choses qui font partie de l'invisible ou du raïb. Ou bien à propos de qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir, ou à propos de qu'est-ce qu'il y a dans le passé. Que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné dans la révélation ou ce dont il n'y a aucune connaissance qui reste. C'est seulement par la révélation que quelqu'un peut connaître ces choses-là. Et donc, on peut uniquement les connaître par la voix des messagers. Et les messagers, c'est eux qui transmettent le message de la part d'Allah à propos des choses de l'invisible. Par exemple, les détails au sujet du paradis, les détails à propos de l'enfer, les détails à propos des attributs d'Allah. Tu ne peux pas savoir ces choses-là par ta raison, par ta logique. Et il dit, il n'y a que par la voix des messagers et l'intermédiaire des messagers qu'on peut connaître ces choses-là. Et les messagers sont ceux qui transmettent le message de leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie des révélations à propos de ces croyances de l'invisible que nous, on ne peut pas savoir ou connaître. Donc, si c'est des choses qui ont rapport avec les attributs d'Allah ou qui sont reliées à la foi en le paradis ou à l'enfer ou à propos des choses qui ont rapport avec l'avenir et des choses qui vont se produire plus tard ou des informations sur les choses du passé, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut connaître que par l'intermédiaire des messagers. Et la raison ou l'intelligence n'a rien à voir avec ça. Et c'est pour ça que Wahb ibn Munabbih, il lui a répondu en disant, si Allah ne nous avait pas informé de ça, eh bien, on n'aurait pas pu savoir. De la même manière qu'on n'aurait pas pu savoir non plus, si Allah ne nous avait pas dit dans le Coran qu'il s'est élevé sur son trône, on n'aurait pas pu savoir ça. On le sait parce que Allah il nous l'a mentionné dans la révélation. Et la même chose pour beaucoup d'autres attributs d'Allah. On ne peut pas les connaître par la raison seulement. Ou bien on ne peut pas les connaître par la raison du tout même. Certains attributs que c'est impossible de les savoir sans que ce soit par l'intermédiaire des messagers. Et il dit, et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il se décrit lui-même dans la révélation, il se décrit uniquement d'une manière qui correspond à la majesté et la perfection d'Allah. Et le messager, la même chose. Il ne va dire à propos d'Allah que ce qui est exact, et que ce qui est parfait, et que ce qui correspond à ce que Allah lui a révélé. Et donc, Allah Azza wa Jal, il a mentionné dans le Coran qu'il a un visage, qu'il a des yeux, qu'il a une ouïe, qu'il a une vue, qu'il a une puissance, qu'il a une volonté. Tous ces attributs font partie des attributs de sa majesté, de sa grandeur. Et il n'y a aucune ressemblance dans ces attributs-là entre ses attributs à lui et les attributs de sa création. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans surat Fussilat, ça c'est Shura ou Fussilat, un des deux. Fussilat. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui soit comme lui, qui est comparable à lui, et c'est lui l'audient et le voyant. Donc, le Cheikh, il dit, comment pouvons-nous donc, par conséquent, le comparer avec ses créatures, que Allah soit exalté de ça? Ça, c'est impossible, c'est interdit de faire ça. Et donc, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une science, il a l'attribut de la science, parce qu'il est al-alim, il est l'omniscient, il sait tout. Et sa science enveloppe toute chose, il connaît tout éternellement. Sa science n'a pas de début, n'a pas de fin. Et donc, contrairement aux créatures qui ont une science aussi, les êtres humains, ils ont une science, mais cette science, elle est précédée d'ignorance. Parce que quand on sort du ventre de nos mères, on ne sait rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous donne cette science. C'est lui qui nous donne la science qu'on possède. Et parfois même, à la fin de notre vie, on oublie tout ce qu'on avait appris. Allahul Musta'an. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie rien. Il sait tout et il n'oublie rien. Et il a toujours su et il saura toujours. La yadillu rabbi wa la yansa. Mon Seigneur ne s'égare point ni n'oublie. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ensuite, le Cheikh, il explique que Allah Azza wa Jal, et sa science, elle enveloppe toute chose. Il dit, toi, tandis que toi, tu oublies des choses. Peut-être qu'il y a des choses que sont dans ta maison, tu ne sais même pas. Ou bien tu les oublies. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il cerne toute chose de sa science. Même si c'est quelque chose qui est plus petit qu'un atome. Plus petit ou plus grand, il n'y a rien qui est dans l'univers. Que ce soit plus petit qu'un atome ou plus grand, il le connaît. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui échappe. Tandis que les Jahmiya, les gens de Bid'a parmi les égarés, ils disent non, on n'affirme pas ça. Parce que si on affirme ça, ça implique qu'il y a une ressemblance entre le créateur et la créature. Parce que si on affirme qu'il a la science, ça veut dire qu'il a des... en tout cas, ils essaient de prétendre que le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs, c'est comme si tu lui attribues des incidents, et lui attribuer des incidents, c'est une ressemblance avec la créature, parce que c'est les créatures qui ont ça, et ainsi de suite. Et le Cheikh dit, tout ça, c'est des futilités et des stupidités qui sortent de leur bouche, qui ne reposent sur rien. Tandis que nous, les gens de la Sunna, eh bien, on accepte tous les textes qui viennent d'Allah et qui viennent du messager avec respect et avec estime. Et sur cette base, on comprend qu'il n'y a aucune ressemblance, aucune comparaison entre le créateur de l'univers et les créatures. Nous croyons donc que Allah Azza wa Jal, il a l'ouïe, il a la vue, il a la puissance, il a la volonté, et il dit également qu'il a les mains, qu'il a les yeux, et nous croyons tel qu'il l'a dit. Mais en ce qui concerne le comment, personne connaît le commun, excepté Allah Azza wa Jal. Il dit ensuite le Cheikh, قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ جَعْدْ أَنْ قُتِلَ وَصُلِبْ. Ensuite, par la suite, il mentionne qu'il n'y a pas de temps qui est, beaucoup de temps qui est passé jusqu'à ce que par la suite, justement, Ja'd ibn Dirham, il a été exécuté. Il a été tué par le gouverneur de la ville de Basra, Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Le jour d'Aïd, après la khutbah, comme on l'avait dit tout à l'heure, il a dit aux gens, oh les musulmans, allez sacrifier vos moutons, moi je vais sacrifier Ja'd ibn Dirham. Parce qu'il dit que Allah n'a pas pris Ibrahim comme son Khalil et il n'a pas parlé à Moussa. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine la suite de l'explication de cette parole de Wahb ibn Munabbih. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته